Le journal internet sud-coréen Jeju Sibon, en date du 14 août, a inséré un poème intitulé « Que Trump se prosterne et s'excuse » pour condamner le président américain qui a lancé des propos appelant la crise de guerre dans la péninsule coréenne, ce qui attire l'attention de différents milieux. L'auteur Kom Malson a écrit que les États-Unis doivent se mettre à genoux et s'excuser d'avoir imposé seulement les malheurs et souffrances à la nation coréenne en prétendant une guerre. Et il a dénoncé qu'à cause des Américains, il n'y a personne qui n'a pas de plaie de cœur et aucun jour n'a passé tranquillement. Il a ajouté « Les Coréens veulent vivre heureux sur le territoire sans les États-Unis et Trump doit s'excuser devant les hommes foulés aux pieds par les troupiers américains. Les Juaïs doivent se retirer immédiatement de cette terre. » Par ailleurs, d'après le journal internet sud-coréen La Voix du Peuple, des personnalités de différents milieux ont tenu une conférence de presse le 17 à Séoul pour accuser Trump de ses propos téméraires autour de provocation d'une guerre en vue d'aggraver la tension militaire dans la péninsule coréenne.